Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision et sur l'Eurovision au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la chanson qui devait représenter. C'est toujours très bizarre de dire qui devait représenter, mais bon, c'est bien la vérité, malheureusement, qui devait représenter la Roumanie à l'Eurovision 2020. C'est Roxane avec sa chanson Alcohol You, qui avait déclenché un sacré buzz, en tout cas, un sacré engouement auprès des fans de l'Eurovision et des bookmakers aussi, quand elle avait été dévoilée, cette chanson, puisque la Roumanie était vraiment tout au sommet du classement des bookmakers. On va voir si elle est tout au sommet du classement de nos amis de l'Eurovision au quotidien également. Audrey, je veux absolument avoir ton avis. Moi, je comprends totalement cette hype. Dès le début, d'ailleurs, quand les cinq chansons sont sorties, la Roumanie est très vite montée très haut. Déjà, les cinq chansons étaient, ça, c'était quand même une très bonne sélection dans l'ensemble. Genre, les cinq chansons étaient vraiment qualitatives. Et en plus, la plupart étaient quand même, enfin, il y avait quand même des compositeurs roumains derrière, comme quoi il y a toujours moyen de trouver dans son pays de quoi faire au moins cinq chansons potables. Je ne vise personne. C'est honteux. Je m'étais demandé si ce qui valait cette hype, c'était Cherry Red, que je voyais beaucoup sur Twitter se faire mentionner, parce que moi, à la première écoute, ça m'est un peu tout passé dessus, et Alcohol You a vraiment retenu mon attention. Je me suis vraiment dit, ça, il faut que ce soit ça. Et effectivement, au final, ça a été ça. De toute façon, on ne va pas dire que Roxane ait vraiment essayé de mettre en valeur toutes ses chansons de la même manière, ce que j'ai trouvé vraiment dommageable. J'ai eu un peu de peine, d'ailleurs, parce que Cherry Red méritait mieux que ça. Vraiment. Vous voyez, l'inverse de Serve, eh ben, c'était exactement ce qu'a fait Roxane sur Cherry Red. Moi, je trouve franchement que c'était vraiment une très, très belle balade. Peut-être pas la seule sur ce créneau dans l'édition, parce que bon, hasard du titre en plus, mais la chanson bulgare, je trouve que les deux se rentraient un petit peu dedans. Et ça aurait pu porter préjudice à l'une ou à l'autre, même si repenser pour la bulgare pour une victoire éventuelle. Après, Alcohol U restait la cinquième de mon classement. Je trouve vraiment que c'est une belle balade, en fait, enfin, qui est vraiment tout le temps fragilité, qui explose bien sur la fin. J'étais pas super fan du revamp, mais il marchait à peu près. Si elle pouvait le tenir en scène, ça faisait quelque chose. Par contre, la mise en scène à la section roumaine était vraiment. Autant la chanson était dans l'air du temps et très juste, autant la mise en scène aurait mérité une petite actualisation. Parce que moi, ça ne m'a pas du tout convaincue. Alors, heureusement qu'elle a fait bien des efforts pour que toutes les autres ne soient pas à la hauteur non plus, parce que je ne l'ai pas trouvée transcendante et j'ai été très déçue de la façon dont ça a été servi en live. Je pense qu'il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus intimiste, mais je ne sais pas du coup si la délégation aurait corrigé le tir. En tout cas, je pense que c'est une chanson qui aurait fonctionné. Et je suis très contente de voir Roxane pour l'année prochaine et j'espère qu'elle aura toujours autant d'enthousiasme, peu importe ce qu'on lui propose comme modalité pour y aller. Oui. Il y a eu un petit peu de sabotage, hein, c'est ce que j'avais lu. Moi, je n'avais pas vu la sélection, mais je disais un peu partout que Thierry Red s'était fait copieusement. Oh, mais t'as pas vu du tout, en fait, pendant les ponts instrumentaux, elle s'est plantée comme ça, puis elle faisait genre ça, c'est tout. Je n'en croyais pas mes yeux. Alors, mais des fois, hein, faut pas chercher. C'est vrai que je me suis toujours dit en fait que ce système de sélection était très compliqué pour un chanteur ou une chanteuse, parce qu'il doit forcément avoir une chanson préférée dans le lot sur ce qu'il propose, et c'est compliqué à mon avis de vraiment mettre tout en scène de la même façon et de devoir faire finalement ça fois le boulot. Comme dit beaucoup d'Eurofans, la chanteuse d'Israël, c'était pareil, et elle a le même âge que Roxane d'ailleurs, elle est même un poil plus jeune, et les cinq chansons, elle les a défendues comme si les cinq, ça allait être c'était ses préférées en fait. Ça dépend peut-être effectivement après de l'interprète. Ça, c'est à mon avis un avis de Je pense qu'elle nous a fait peut-être le seul caprice de diva de la saison, mais bon. Il en faut bien. Naïm. Eh bien, tout comme Audrey, moi j'adore aussi cette chanson, cette balade vraiment atypique, vraiment très réussie. Comme Audrey, j'ai vraiment été ravi quand j'ai entendu les cinq chansons de la sélection roumaine. Pour une fois que c'était cinq bons morceaux, vraiment cinq excellentes chansons, fraîches, jeunes, contemporaines, ça m'a fait tellement de bien. J'en aurais presque pleuré de bonheur après toutes ces années de sélection roumaine à ramasse avec des chansons et des chanteurs amateurs et des grands n'importe quoi. Là, enfin, on avait quelque chose de musicalement professionnel, de musicalement construit. Quelque chose qui, à mon sens, aurait très bien pu emmener la Roumanie tout en haut du classement de la finale. Comme Audrey, quand j'ai vu la finale roumaine, j'ai été un petit peu surpris, effectivement, de l'attitude Roxane. À titre personnel, sur les 5 chansons, il y en avait 3 que j'adorais beaucoup. Donc Cherry Red, bien sûr, Beautiful Disaster, et puis ici Alcohol You. Donc j'ai regardé en me disant, quel que soit le résultat, je serai content. Certainement, je serai content. Et effectivement, les mises en scène et l'attitude de Roxane m'ont laissé un petit peu dubitatif. J'ai trouvé, à titre aussi personnel, la robe qu'elle a portée pour Alcohol You un petit peu malaisante. Une robe bustier comme ça qui s'arrêtait sous sa poitrine avec un haut translucide comme ça, c'était un petit peu étrange. Et effectivement, c'est la prestation d'Alcohol You qui au final était la plus réussie. Elle a gagné avec cette chanson-là, moi j'ai été ravi, et par la suite la chanson est devenue une de mes favorites de cette année. Je l'ai réécoutée, je la réécoute toujours en boucle, vraiment en boucle pendant des heures jusqu'à ce que mon mari craque et me demande « change ça tout de suite !» Parce qu'à force, il y en a marre de m'attendre comme ça. Certainement, en mai prochain, j'aurai voté pour elle. Et ça restera, quoi qu'il arrive par la suite, une de mes chansons préférées de cette édition 2020. Et j'espère très très sincèrement revoir Roxane l'année prochaine à nouveau avec 5 autres chansons aussi réussies. Et surtout, j'espère que pour l'avenir, la télévision roumaine continuera sur cette piste et continuera à demander à des vrais professionnels de se présenter à la sélection avec, comme l'a dit Audrey, des auteurs et des compositeurs roumains professionnels, la collaboration avec des maisons de disques professionnelles. Et s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, non, ne rappelez plus Mihai, s'il vous plaît. Merci. Non, moi je suis je te trouve très très violent avec Mihai qui déjà ne participe que quand il sait qu'il peut gagner l'Eurovision. Déjà, il a cette cette bienséance. Non, c'est extrêmement bien. Et de toute façon, il l'a dit, plus jamais il essaiera de enfin à part l'année suivante, mais plus jamais. Hein, on ne lui reprendra plus. On fera, rassurez-vous, on pourra faire des vidéos rien que sur lui. Hein. C'est une merveille. Je tenais d'ailleurs à préciser pour ceux parmi vous qui auraient un peu la nostalgie de Mihai, il y a toujours moyen de retrouver des photos un peu intimes de lui sur OnlyFans, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, pour y découvrir de nouveaux aspects de la personnalité de Mihai, spécialement le matin au réveil. Ouais, donc vraiment, c'est... Wow. Vraiment, il faut pas qu'il revienne. Hein, c'est... Tu es bien connaisseur, Naïm. Mais j'ai pas payé pour voir, mais voilà. Ah bah bravo. Et on ne soutient pas les petits producteurs. Bah c'est honteux. Voilà, je trouve ça scandaleux. Tu vas sur Google Images, il y a de quoi faire aussi. C'est absolument honteux. Rémi, puisque nous arrivons sur un terrain glissant, remets-nous dans le droit chemin, s'il te plaît, Rémi. Ben, en parlant de droit chemin, en tout cas, la Roumanie, il semblerait qu'elle soit remise, puisque pour une fois qu'il y a une sélection effectivement professionnelle, dénuée de tout amateurisme et de tout titre un peu brinque-ballant, sorti de Dieu sait où, des tréfonds de la Roumanie, bref. Donc, c'est un peu ballot pour eux, effectivement, parce que pour une fois, il y avait une finale, effectivement, je rejoins mes camarades, avec 5 bonnes chansons. Alors, pour ma part, je suis un peu l'europhone atypique, puisque ma favorite, c'était Colors, qui est complètement passée inaperçue. Donc, bon, bref. Sinon, j'aimais beaucoup également Thierry Red. Alors, Alcohol You, c'est un bon choix, parce qu'effectivement, c'est une balade qui est très bien produite, hein, qui est très actuelle, c'est efficace. Roxane la porte bien. C'est un titre bonne facture dans l'ensemble. Après, pour ma part, je le trouve assez surcoté, si ce n'est très surcoté. De là à envisager une victoire roumaine en 2020, je trouve que c'est un peu exagéré sur les bords. Certes, on a un bon titre. Après, je ne trouve pas non plus personnellement exceptionnel. Bon, certes, très agréable. Bien foutu, mais je ne saute pas non plus au plafond, même si je l'apprécie, attention. Et enfin, André, pour terminer sur Roxane. Je dois être un très mauvais Eurofan, honnêtement, parce que donc, le hype roumain est passé à côté, mais complètement. C'est-à-dire que quand j'ai vu tout l'engouement, quand les cinq chansons ont été dévoilées, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais écouter, ça doit être bien. Et il n'y en a aucune des cinq qui m'a fait sauter au plafond. Voilà, donc faire lyncher, on va dire que j'aime rien. C'est pas grave. Mais du coup, je voyais chez les bookmakers que ça s'affolait. Je me disais, mais c'est pas possible, je dois être un ovni. Et puis, donc, bah, quand la chanson a été choisie, je me suis dit, bah, je vais quand même réécouter, je vais regarder sa prestation live. Et là, j'ai encore moins compris le hype. Je ne comprenais rien. Et je me suis dit, bah, le titre porte bien, parce que je pense qu'il faut être bourré pour pouvoir l'apprécier. Mais Plus loin. voilà, ouais, ça m'est vraiment passé dessus. Et ouais, c'est plat, il ne se passe rien. Effectivement, on a l'impression d'être bourré, ce n'est pas possible. Enfin, je ne comprends pas du tout ce choix. Et voilà, je comprends bien que je suis un petit peu à part, mais voilà, moi, ça ne m'emballe pas du tout. Et c'est vraiment pas une chanson pour laquelle j'aurais voté, mais alors vraiment pas du tout. Merci beaucoup André, parce que j'ai Est-ce pas que tu besoin de... incites à la consommation d'alcool pour écouter les Non, titres de évidemment, l'Eurovision? évidemment, l'alcool, modération, tout ça, dangereux pour la santé, cinq fruits et légumes, enfin vous connaissez, hein, on va mettre le disclaimer. Mais merci beaucoup André, parce que du coup j'ai pas besoin de donner mon avis, parce que c'est la même chose. Moi je vois, je vous jure, mais pareil, tu m'as fait la même chose, j'ai vu les cinq, oh, c'est formidable, je vais écouter, puis j'ai écouté cinq chansons, je dis, bah, j'en ai loupé une. Il y a un truc que j'ai. Non, il manque la chanson. Eh ben non, non, elles étaient là. Et puis j'ai vu la version. Et puis elles étaient là. Et moi, par contre, Audrey, tu avais cité la Bulgarie. Pour moi, c'était. Alors déjà, pour moi, c'est la même chanson, hein, globalement. Moi, je suis pas allé plus loin. Et pour moi, la Bulgarie aurait éclipsé la Roumanie. Donc, comme quoi, on Oui, aurait pu. c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Donc, on était Je d'accord. Je pense, pense, oui, enfin, que. en fait, je pensais juste que la Roumanie aurait volé des voix qui auraient été utiles à la Bulgarie Ouais. pour gagner, parce que j'aurais pas vu la Roumanie en potentiel de victoire. Un petit top 10, mais pas plus. C'est ça, moi je Moi, je pense suis oui, d'accord avec que toi. Petit top 10. la Bulgarie avait plus de chances quand même de marquer avec. Après, c'est aussi. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas ma came, c'est pas le genre de chanson que j'apprécie particulièrement, mais c'est très moderne par contre. C'est vraiment. Alcohol You, c'est. Enfin voilà, ça rentre tout à fait dans le moule de ce que les gens écoutent actuellement. Et c'est pour ça que ça aurait quand même assez bien fonctionné, je pense. Mais voilà. Merci beaucoup André, c'est bien, je peux compter sur lui pour éviter de devoir donner mon avis pendant 6 minutes. Et ça, c'est très bien. C'est très pratique. En tout cas, voilà, pour ce qu'on a pensé de cette chanson, vous pouvez toujours, hein, je vous rappelle, si vous êtes sur Parlons Eurovision, vous pouvez regarder évidemment en dessous, dans la description, vous avez le lien vers l'article avec tous les avis de tout le monde, hein, au niveau de l'Eurovision quotidien, avec des notes de partout. C'est vraiment exceptionnel. Et là, vous pouvez passer un bon moment à lire tout ça. Et demain, on se retrouvera avec la Biélorussie. On était sur une bonne lancée, hein, en fin de semaine 2, début de semaine 3. Et là, bon, bah, ça va être plus compliqué, mais on parlera évidemment de la chanson biélorusse demain. Ciao, ciao.